Les frustrés, d'après Claire Brotéché. La gueule. Puis-je savoir en quel honneur tu fais la gueule ? Moi, je fais la gueule ? Alors ça, c'est extra. Je fais la gueule. Oui, tu fais la gueule. Tu n'ouvres pas la bouche sauf pour manger, si tu n'appelles pas ça faire la gueule. Non. Je n'ouvre pas la bouche, figure-toi, parce que toi, tu fais la gueule depuis une demi-heure. Je fais la gueule, moi ? Moi, je fais la gueule ? Non, je te ferai remarquer que depuis que je suis rentré, on ne m'a pas adressé la parole. C'est vraiment incroyable, ça. C'est typiquement la mauvaise foi masculine. T'arrives en faisant une gueule comme ça, et après, il paraît que c'est moi qui fais la gueule. Écoute, c'est très simple. Tu n'as qu'à me dire une bonne fois, ce soir, j'ai envie de faire la gueule. Ça peut arriver à tout le monde et ça aura le mérite d'être clair, je saurai à quoi m'en tenir. Je fais pas la gueule ! C'est toi qui fais la gueule ! Tu vas arrêter, oui ? Bon, si ça te fait du bien de hurler, alors hurle. Je m'en voudrais d'essayer de t'en empêcher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, voilà, ça c'est typique. Toujours le même système. Je sème la merde pour le plaisir et après je prends mes airs supérieurs et je suis content. C'est ça, vas-y, continue, je connais ce genre de raisonnement par cœur. Je regrette de pas avoir un magnétoscope sous la main, tiens, je te jure que ça vaudrait le coup de t'enregistrer des fois. À toi, tu regrettes de ne pas avoir de magnétoscope sous la main. Alors ça, c'est merveilleux. De toute façon, étant donné que tu fais la gueule et que tu n'en décroches pas une, j'aurais pas grand-chose à enregistrer. Moi, je fais la gueule. C'est moi qui fais la gueule. Je fais pas la gueule. J'arrive. Je rentre après une journée de boulot et on me fait une gueule de 3 km de long. Bon, si ça te fait du bien de hurler, alors hurle. Je vais pas essayer de t'en empêcher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, non, mais on joue les victimes maintenant, hein. Toujours le même système, je pousse à bout et après je dis que c'est toi qui as un problème, je regrette de ne pas avoir un magnétoscope sous la main, tiens. Toi, tu regrettes de ne pas avoir un magnétoscope sous la main ? De toute façon, étant donné que tu fais la gueule, j'aurais pas grand-chose à enregistrer. Je fais pas la gueule, c'est toi qui fais la gueule. Faudrait voir à pas inverser les rôles. Moi je fais la gueule. Alors ça c'est extra, je fais la gueule. Mais oui, tu fais la gueule. T'ouvres pas la bouche sauf pour manger, si t'appelles pas ça faire la gueule. Non mais j'ouvre pas la bouche, figure-toi, parce que toi, tu fais la gueule depuis une demi-heure. Je fais la gueule, moi. Moi, je fais la gueule. Non, je te fais remarquer que depuis que je suis rentré, tu m'as pas adressé la parole. C'est vraiment incroyable, ça. C'est typiquement la mauvaise foi masculine. T'arrives en faisant une gueule comme ça, et après, il paraît que c'est moi qui fais la gueule. Écoute, c'est très simple. T'as qu'à dire une bonne fois ce soir, j'ai envie de faire la gueule. Ça peut arriver à tout le monde, et ça aura le mérite d'être clair. Je fais pas la gueule. C'est toi qui fais la gueule. Tu vas arrêter, oui. Moi, je fais la gueule. C'est moi qui fais la gueule. Je fais pas la gueule. J'arrive. Je rentre après une journée de boulot et on fait une gueule de 3 km de long. Les autonomes. Xavier Mongron, écrivain très Saint-Germain, est interviewé par un journaliste dans le cadre d'une émission culturelle télévisée. Il faut refuser de passer à la télé, c'est un piège, vous comprenez ? Tout d'abord, bon, il est bien évident que ce qui est intéressant chez un écrivain, ce n'est pas son brushing, ni la couleur de sa chemise, ce n'est pas de savoir s'il porte une cravate ou une Rolex ou une paire de Ray-Ban. Moi, je veux dire en même temps, bon, si vous passez à la télé, c'est que vous avez au moins une petite notoriété, vous comprenez ? La notoriété appelle la notoriété. On ne vient pas vous chercher parce qu'on n'a jamais entendu parler de vous. On vient vous chercher parce que vous êtes connu, un minimum. Et ça, on voudra vous le faire payer. Vous croyez que... C'est évident, on voudra vous le faire payer. C'est le but, quelque part. On fait appel à vous parce qu'on veut vous faire payer le fait qu'on vous connaît et qu'on fait appel à vous. Bon, donc on essaiera donc de vous faire dire un maximum de stupidité en un minimum de temps, vous comprenez ? Et en général, on y arrivera, bien sûr qu'on y arrivera, et c'est normal, c'est parce que c'est le but du jeu, c'est fait pour ça, c'est programmé pour ça. Puisqu'on exigera de vous que vous ayez des opinions sur tout ce qui fait partie de l'actualité au sens le plus imprécis du terme, ça va de la visite du président Sanguinetti au déficit budgétaire, en passant par le tour de poitrine de Jane Fonda, l'amendement de la loi Loti ou le lâcher de l'ours Ziva dans les Pyrénées, ce qui bien entendu à court terme est tout simplement grotesque. Et à long terme fait, disons, fonctionner un système de récupération... terriblement efficace. J'entends que bon, la pression de l'idéologie dominante véhiculée par la télé est si forte qu'il se produit inévitablement, disons, une sorte de glissement. Vous comprenez, une sorte de Bon, je veux dire que, disons, vous ne contrôlez plus votre propre discours. C'est évident, parce que, de fait, vous êtes, bon an, mal an, complètement programmé. Je veux dire que, alors que dans votre travail, je veux dire, dans l'intimité de votre travail, vous maîtrisez tout, de A à Z. Et là, tout d'un coup, bah, vous maîtrisez plus rien, ni l'image, ni l'éclairage, ni le cadrage, ni, a fortiori, le rythme. Ça, c'est très important, le rythme, hein, très, très important. Mais là, on vous assène des questions, on vous coupe la parole, on n'écoute pas la moitié de vos réponses. Disons que vous n'avez plus aucun libre arbitre. Là, vous êtes manipulé. À mort. Je veux dire, manipulé à mort. Alors bon, la seule défense, ben, c'est le refus. Le refus, ni plus ni moins, c'est le refus. Le refus. Le refus. C'est la fin de notre émission. Merci Xavier Mongrand. Je rappelle le titre de votre livre, Le refus des médias, publié aux nouvelles éditions Le Mercier. Bonsoir. Les Frustrés, adapté de Claire Brotécher par Christelle Wurmser. Avec Carole Franck, Jean-Pierre Malot, Arnaud Denis, François Sienner. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.